violence à venir. Tout ça me semble affaire davantage de sociologie que de physiologie des individus et de code génétique. Alors, on va passer alors à un deuxième aspect de cette introduction, ou à un autre aspect de cette introduction critique, c'est la question du management au sein des institutions culturelles. Les institutions sont les structures de la société dans et par lesquelles les valeurs et les normes de la culture sont transmises. Historiquement, en France, par exemple, et dans la plus grande partie de l'Europe, par influence, la France ayant eu un rôle de locomotive culturelle pendant quand même un temps long au sein de l'Europe, une tradition, en Europe donc, lie la culture avec les institutions publiques. Contrairement aux États-Unis, et je suis sorti de l'ouvrage de Becker, mais il ne dirait pas non, puisque lui, il vient de là. Contrairement aux États-Unis, qui est une nation plus récente, où il n'existe pas une emprise aussi importante de la puissance publique sur la culture. Ainsi, de nombreuses grandes entreprises ou de collections d'œuvres d'art, de nombreuses grandes entreprises ont des collections d'œuvres d'art telles qu'elles ouvrent des musées privés aux États-Unis. Des hommes d'affaires et milliardaires n'hésitent pas à réaliser du mécénat et par leur philanthropie alimentent de grandes fondations, qui portent d'ailleurs souvent leur nom, et qui ont développé des actions dans le secteur de la culture, des arts et de l'enseignement artistique. Alors, cette situation évolue fortement en Europe, depuis, on constate évidemment une influence de plus en plus grande des entreprises privées et des collectionneurs privés sur le monde de la culture. On arrive à des économies mixtes désormais, financées tant par des fonds publics que des fonds privés, on y reviendra aussi. Mais dans un premier temps, historiquement, c'est quand même les États-Unis qui ont montré l'exemple du financement privé, et la France et l'Europe, autour d'elles, l'exemple du financement public. On peut quand même donc dire qu'en héritage de cette situation artistique, on a deux modèles assez distincts. Le modèle américain, caractérisé par une alliance forte entre public et privé, où le privé joue un rôle prépondérant en matière purement culturelle, et le modèle européen, qui est lui plutôt essentiellement public. Aux États-Unis, les industries culturelles mettant en œuvre les bases d'un véritable management culturel se sont ainsi, dès le départ, développées sur un modèle d'entreprise privée, avec au fil des décennies un mouvement de forte concentration financière faisant des grands groupes américains du secteur les principaux protagonistes d'un oligopole mondial des industries de l'entertainment, le divertissement, et des médias. Donc, aux États-Unis, dès le départ, le privé était associé à la culture, comme soutien financier. Mais ces gars sont philanthropes, certes, c'est comme ça qu'ils s'appellent, mais en réalité, ils sont quand même des financiers, donc ils veulent que leur placement soit bien géré. Donc, ils ont amené des bonnes pratiques de gestion de leurs investissements dans la culture, et donc les pratiques managériales, donc la rationalité de l'usage de fonds financiers, par exemple, eh bien, tout ça a été apporté, je dirais, par celui qui pourvoyait au financement de la culture. Vous comprenez? Donc la culture n'avait finalement pas grand-chose à dire sur ce terrain-là, puisque l'argent vient de groupes privés, les groupes privés demandent que leur argent soit correctement géré, donc nous allons gérer la chose culturelle comme on gérerait une entreprise. On a fait, donc, on a inventé du management culturel aux États-Unis très facilement parce que c'était le pourvoyeur de fonds qui le demandait. Et sans pourvoyeur de fonds, on oubliait le projet culturel. Donc, c'était finalement un paramètre inévitable qu'il fallait accepter d'emblée. Et ça a pu permettre de constituer des grands groupes financiers parce que ça a entraîné une prospérité dans la culture. Et aux États-Unis, on a remarqué qu'il y a maintenant des conglomérats mondiaux du divertissement qui se sont mis en place et puis qui arrivent d'ailleurs comme des rouleaux compresseurs. Ça, j'en parlerai aux étudiants qui suivent cette année déjà le cours de stratégie. On parlera de toute la question de la globalisation de la culture, du formatage de la culture mainstream, etc. Tout ça a été permis par cet état d'esprit initial qui a permis d'arriver donc depuis les années 50, on dit que l'industrie américaine du cinéma, concentrée à Hollywood, domine non seulement économiquement, mais aussi symboliquement la distribution des films à grand succès et la consécration des grandes vedettes. Tout ça, c'est parce qu'à l'origine, il y avait une gestion d'entreprise performante, même en matière culturelle. Ça a amené des grands groupes culturels qui ont fait des fortunes et qui ont évidemment essaimé leur offre culturelle dans le monde entier. C'est une question passionnante que je ne traiterai pas ici, mais qui s'explique par cette naissance, on va dire, de la culture mariée à l'économie, et donc du management comme outil de gestion culturelle décomplexée. En France, pas du tout. C'est l'autre chemin, évidemment. En France et en Europe, par extension, la majorité des institutions culturelles sont d'abord des organisations en gestion publique. Des organisations de type associatif. Même si, je vous le rappelle, les pratiques américaines progressent désormais fortement. Mais au départ, historiquement, la France a été une des premières démocraties modernes à se doter d'un ministère de la culture. C'était donc bien une chose publique, gérée par l'État, et non par le privé. En 1959, première fois qu'un ministère de la culture est créé, et c'était en France. Elle fut suivie par de nombreux autres pays en Europe, mais selon des formules adaptées à leur contexte respectif. Par exemple, ça peut être associé à un ministère plus large, comme l'éducation, auquel alors est rattachée la culture. Et puis ça peut être aussi décliné à tous les niveaux de pouvoir. Par exemple, en Belgique, vous avez un niveau fédéral, un niveau communautaire, un niveau régional, un niveau communal. Et à tous les étages, il y a des questions culturelles qui sont gérées. Vous avez des échevins de la culture dans les communes. Vous avez quand même une ministre de la culture au niveau régional, c'est Fadila Lahanane pour le moment. Vous avez une ministre culturelle, une ministre de la culture au niveau communautaire, c'est Alda Gréoli qui a remplacé Joël Miquet quand elle a dû démissionner. Et Joël Miquet cumulait les responsabilités d'enseignement, d'éducation et de culture. Aujourd'hui, ça a été scindé, c'est très bien parce que c'est trop vaste à gérer. Donc vous voyez, la culture, au départ, c'est l'invention d'un grand ministère de la culture nationale, et puis ça se décline, ça évolue, mais c'est toujours présent. Donc la matière culturelle est une matière gérée par l'État, quelles que soient les formes que l'État prenne. Voilà, et donc on considère qu'il y a un double destin de la gestion de la culture, un destin plutôt américain qui est décomplexé, et un destin européen qui est plutôt, embêté avec cette gestion émanant du secteur privé, parce qu'au départ, c'était une chose publique. Et donc, c'était des subventions publiques qui étaient plutôt des fonds qu'on consacrait à cause perdue, je dis rien, on disait, voilà, il faut que la culture soit accessible à tous, c'est ce qu'on appelle la démocratisation de la culture, donc on subsidie la culture pour abaisser le coût de la culture envers le public. Donc si vous allez à l'opéra aujourd'hui, vous pouvez trouver que votre billet est cher, mais si on fait les comptes, si on divise le nombre de places disponible par rapport à ce qu'a coûté la présentation, la place d'opéra devrait coûter beaucoup plus cher. Donc aux États-Unis, elle coûte beaucoup plus cher. Et à ce moment-là, le spectacle est rentabilisé sur les recettes, c'est du management, qui sont effectivement payées par le public. En Europe, on dit non, le public doit accéder à la culture sans pour autant être exclu, à cause d'une raison financière, c'est le problème du capital économique qui se mêle du capital de la culture que Bourdieu a mis en évidence. Donc on subsidie la culture de manière à ce que le billet ne paye qu'une partie de ce qu'a coûté la production et que donc tout le monde puisse, on espère, en tout cas une marge plus large à la population, une frange plus large à la population, puisse se payer un billet d'opéra et découvrir cette culture. Bon, voilà, ceci explique cela. Donc c'est pas du management sérieux, ça, on sait qu'on perd de l'argent. Personne fait ça, normalement, dans le monde des affaires, on fait pas ça. Donc on va parler, alors, je le disais tout à l'heure, d'équilibre budgétaire, je reviendrai évidemment là-dessus, mais je vous explique historiquement ce que ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis comme diapo suivante ? L'opération. Je ne suis pas encore. Enfin bon, je vais laisser ça à l'écran pour le moment, mais je n'ai pas d'illustration à vous donner par rapport aux éléments que je voudrais vous donner maintenant. C'est que j'ai épinglé un article dont vous trouverez la référence, mais il n'y a pas d'illustration, c'est l'article d'une revue. Dans la revue française de gestion, qui s'appelle « Manager les activités culturelles ». Et en fait, les auteurs de cet article, peu importe leur nom à ce stade, ont décidé de se demander, d'ailleurs, est-ce que, dans le fond, on ne peut pas réconcilier le modèle français et le modèle américain. Donc d'un côté, il y a une attention particulière aux questions de management liées à la culture, et de l'autre, c'est un peu le tabou, et on préfère se faire, assister par l'État, sans être aux prises avec des considérations de bonne gestion de fonds et de rentabilité de la culture. Et donc, ils se sont posé la question, ils ont fait un article assez approfondi là-dessus, et j'en ai extrait quelques éléments que je vais vous livrer ici, du moins partiellement. Donc, ils disent, dans une société dominée par les lois du marché, qu'est devenue notre société, les activités culturelles semblent devoir faire exception Voilà, l'ensemble de la société est soumise au marché, mais on dit, ah non, la culture, et heureusement on dit souvent l'éducation, ne devrait pas être touchée par ça. Bon, en fait la santé aussi, hein, je fais un parallèle, mais quand on est un peu attentif à comment les choses se passent, on se rend compte malheureusement que même les questions de santé, des intérêts économiques, sont souvent prégnants. Les biens et les services culturels échapperaient à l'économie de marché et devraient être protégés des échanges économiques universels où leur spécificité originelle se diluerait, perdrait l'authenticité de l'acte artistique et donc, si on mêlait la culture à la chose économique. Les auteurs se souviennent d'ailleurs des débats sur l'exception culturelle et des pressions exercées par les pouvoirs publics français pour soustraire les produits culturels des règles édictées par l'Organisation mondiale du commerce. Un point que je développerai aussi au cours de stratégie. Si vous ne suivez pas le cours de stratégie cette année, parce que vous êtes en master bloc 1, vous le suivrez l'année prochaine. Et donc, ils se souviennent de ce moment où on disait, oui, on peut envisager le monde à l'aune de l'Organisation mondiale du commerce, puisque, évidemment, le monde n'est qu'un grand marché où tout s'échange. Mais pas là. Ça, on ne peut pas. La culture, on ne peut pas y toucher. Il faut une exception culturelle à faire valoir, et qui a d'ailleurs eu gain de cause hein, à l'époque de ces négociations, mais je n'entre pas dans les détails. Il se demande donc, puisque les produits culturels présentent des spécificités qui interdisent leur diffusion dans la société selon les règles commerciales ordinaires, ne doit-on pas en déduire qu'ils ne sauraient être objet de marketing, au même titre que les produits de grande consommation? Les activités culturelles doivent-elles être gérées de façon spécifique? Et si oui, comment? En obéissant à d'autres théories que celles de l'économie et du management? En se référant à d'autres pratiques que celles des entreprises industrielles et commerciales? Donc dans le fond, si on dit le bien culturel n'est pas un bien de consommation comme les autres, il faut dire ben, comment on gère ce bien culturel, parce qu'il faut quand même le gérer. On a vu qu'il y a une chaîne de montage, il faut s'organiser. Quoi. Et donc, ah non, on ne peut pas toucher finalement à la chose artistique avec un enjeu commercial, donc on ne peut pas utiliser le marketing et les outils du management habituels liés aux industries commerciales. Ça, c'est leur question. En fait, on verra que la réponse, c'est qu'il y a des singularités, mais qui ne sont pas du tout revêches à s'adapter, à rencontrer les préoccupations commerciales ou de management. Donc, ils se disent, voilà, quelles sont les spécificités, finalement, qui restent quand on dépouille un peu tout cela? Quelles sont les spécificités des produits culturels par rapport aux produits industriels? Première particularité, c'est la liberté présumée du concepteur, celui qui a l'idée, vous vous souvenez? Et cette liberté repose sur le fait que le coût d'une création artistique ne peut se chiffrer d'avance, en même temps que son succès n'est jamais garanti. Donc on ne peut jamais dire d'avance, l'idée artistique qui est là, elle est géniale, ça va marcher, hein, et ça va coûter autant de produire, si on peut dire, l'œuvre d'art, hein, et on est certain qu'on aura un retour sur investissement hein, par rapport aux capitaux qu'on a investis dans la production, qui sera d'autant. On ne peut pas dire ça d'avance, dans la culture. Dans l'art, il y a cette liberté de création qui fait qu'on travaille comme ça sans cette préoccupation de rentabilité. Et de fait, l'histoire de l'art regorge de cas de rejet initial de création, hein, de produits culturels qui n'ont pas du tout été un succès du vivant de leurs producteurs, mais qui sont appelés à être plus tard considérés comme des chefs-d'œuvre par le public. Il y a parfois un temps de retard. Ceux qui sont à l'avant-garde de la création sont souvent incompris. Ils sont compris plus tard, quand ils sont rattrapés, si je puis dire, par le gros de la troupe. Donc, en s'appuyant sur l'histoire, on peut difficilement anticiper le succès d'une œuvre. Et encore, quand on pense anticiper, on est souvent dans l'erreur, parce que celui qui va être génial et qui va rester dans l'histoire, ben c'est peut-être celui qui n'a eu aucun succès parce qu'il était trop en avance. Or, si on compare avec l'industrie et les services classiques, qui ont pourtant des besoins d'innovation considérables. Mais dans une économie libérale, créativité et produits nouveaux demeurent indispensables, mais l'acceptation de l'échec industriel ou commercial est très limitée. Quand on invente un nouveau médicament, quand on invente une nouvelle voiture ou que sais-je, on a des études de rentabilité. On ne va pas investir dans le projet si le projet n'est pas rentable. C'est comme ça. En art, on ne fait pas ça. Normalement, on ne fait pas ça. Je vous rappelle que j'ai expliqué que les intermédiaires puissants, hein, en aval du processus de création, tentaient de remonter et d'influencer la créativité. C'est évidemment à cet endroit-là qu'ils vont agir. Ils vont dire, oui, bon, la liberté artistique, c'est génial, mais est-ce qu'on ne ferait pas un plan financier quand même sur ton idée artistique? Et est-ce qu'on n'arriverait pas à la corriger un petit peu pour que le plan financier soit plutôt un succès qu'un échec? C'est là, évidemment, que les enjeux se passent. Donc, effectivement, cette première particularité isolée par nos auteurs ici, c'est cette liberté, hein, qui est liée finalement à une gestion du coût de la réalisation de cette idée. En théorie, il faudrait une liberté, mais dans la pratique, vous sentez bien que les choses sont plus nuancées. La deuxième particularité, c'est que dès le moment où l'on aborde les problèmes de diffusion et de distribution des produits culturels, les financements publics apparaissent comme un impératif, faute de quoi il n'y aurait ni diffusion, ni distribution, ni sans doute de production. Et ça, c'est typique de l'histoire européenne. Hein. Ils étudient, c'est une française de gestion, ils étudient la gestion en Europe. Aux États-Unis, ce serait différent. Mais ici, la deuxième particularité de la culture, c'est qu'elle est subsidiée par l'État, puisqu'il y a un ministère de la culture, etc. Bon. Donc, voilà, dans l'industrie, c'est pas comme ça. Hein. Il n'y a pas un ministère qui va s'occuper de financer les choses à perte. Hein. L'État a des parts dans des sociétés, c'est vrai, hein, Belgacom, par exemple. Mais l'État vient chercher sa dividende et veut justement, à la limite, enrichir ses caisses, hein, pour justement, d'un autre côté, financer à perte la culture. Voilà. Et donc, dans la culture, on a là l'État qui intervient à perte. Voilà, ça, c'est la deuxième différence considérable par rapport au monde classique de l'industrie. La liberté, hein, qui empêche de prendre des considérations économiques au moment de l'acte créateur, et le principe de la subsidiation. C'est-à-dire qu'on va subsidier les projets plutôt que d'obliger à ce qu'ils soient rentables par eux-mêmes. Les deux étant liés. Alors, ils ajoutent qu'il est de bon ton d'avancer que les activités culturelles reposent sur des processus de création qui ne peuvent pas être planifiés, qui ne peuvent pas être dirigés, ni contrôlés, sans risque d'être taris. Voilà, donc la créativité, de nouveau, serait menacée par une espèce de rationalité du processus. En fait, cette affirmation, si on veut bien ouvrir les yeux de manière décomplexée, s'applique en réalité à un segment très étroit de l'ensemble de la chaîne des activités qui associe création, production, distribution, consommation des produits culturels. On l'a vu avec Becker. Hein, cette espèce de tabou ne peut être préservé qu'au début de la chaîne de montage. Mais après, c'est impossible de ne pas planifier, diriger, contrôler. D'accord. Donc si on ouvre vraiment les yeux grâce à Becker sur l'ensemble des mondes de l'art, on se rend compte que le rejet du management, en fait, c'est au niveau de l'idée peut-être première de la créativité qu'elle se justifie, qu'il se justifie ce rejet, mais que par la suite, a priori, on devrait y être beaucoup plus attentif. Donc les auteurs concluent à ce stade, s'il convient de ménager la liberté de création, on peut cependant imaginer que les règles et les méthodes du management trouvent des domaines d'application dans les activités et organisations qui mettent les créations au contact de leur public, c'est-à-dire dans toute la chaîne des intermédiaires. On veillera donc à ce que la création s'exerce dans une liberté compatible avec les contraintes technico-économiques pesant sur les organisations culturelles. Même si les frontières entre zones où s'exerce librement la création et celles régies par des méthodes rigoureuses de planification et de contrôle, des activités sont délicates à définir. C'est ce que je vous disais en commençant, le champ culturel et le champ économique se mélangent de plus. On précise ici qu'il y a liberté de création lorsque les produits culturels résultent davantage de l'offre des créateurs que de la demande d'un public. Dans la chaîne d'activité allant du créateur au public récepteur, le pouvoir de négociation du créateur risque d'être considérablement plus faible que celui des producteurs-distributeurs. Au nom de stratégie marketing et d'accès au public, ces derniers seraient alors tentés de peser sur les créateurs pour que soient prises en compte les aspirations des consommateurs. L'aide directe aux créateurs par les pouvoirs publics tend à réduire la dépendance des créateurs par rapport aux distributeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un domaine plus artisanal où l'artiste est seul dans son atelier, sa liberté artistique est encore assez grande. Sauf le jour où son galeriste va lui dire, tu sais, ta dernière exposition, ça a super marché, tu t'es enrichi, moi aussi. Il ne veut pas refaire la même chose. Alors que lui, il a envie de laisser ce chapitre de sa créativité d'un côté et d'explorer un nouveau chapitre. Et le galeriste va lui dire, tu es fou, tu veux aller vers l'inconnu alors que tu as produit une œuvre qui est parfaite. Et donc avoir trop tôt de succès, par exemple pour un peintre, c'est dramatique, parce qu'il va s'enfermer dans son auto-créativité et il va finalement faire de l'académisme sur lui-même. Hein, voilà un exemple. Par contre, si vous êtes dans la grande distribution artistique, où il y a d'énormes sommes en jeu, hein, par exemple le cinéma, la comédie musicale, ce genre de choses, évidemment, il y a un poids des intermédiaires, ce que j'appelais tout à l'heure les intermédiaires dominants, qui va imposer des formats aux créateurs, on va réécrire le scénario, hein, c'est le fameux director's cut, je pense en anglais, hein, donc le réalisateur n'a pas le mot final, c'est le directeur, le producteur, hein, pardon, qui va dire oui, la fin, on va changer, hein, on va mettre une fin heureuse, parce que comme ça, il y aura plus de succès. Ou cette scène-là, on va l'enlever, parce que ça va poser problème, et donc le succès n'est pas au rendez-vous. Donc, quand il y a des grosses masses, je dirais, publiques, en attente, évidemment, de l'œuvre, les intermédiaires sont plus puissants, parce qu'ils gèrent, évidemment, ce public, et ils font remonter des questions de demande du public. Hein. Le public attend une fin heureuse et il influence l'artiste. Par contre, si on est dans un modèle qui est plus centré sur l'offre, c'est-à-dire le peintre seul dans son atelier qui produit une œuvre d'art, eh bien, le public attend une surprise, on va dire, et moins nombreux d'ailleurs, avec un enjeu économique beaucoup moins grand, puisqu'en réalité, une peinture, il y a une personne qui l'achète sur le plan du marché. Il suffit de convaincre une personne que l'œuvre est intéressante et ça réglé. Au cinéma, allez-y, hein. Si vous faites un film hollywoodien qui coûte des millions de dollars et qu'il y a un spectateur heureux, c'est peu. Bon. Donc là, vous voyez, les forces en puissance ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc ils disent, voilà, il y a une espèce de vase communicant. Plus on est du côté de l'offre et plus la liberté est grande, et le créateur a un pouvoir de décision sur sa création, plus la demande est grande, plus c'est l'intermédiaire qui a du pouvoir sur le créateur et l'offre va être adaptée à la demande et l'œuvre d'art va être contrainte dans sa liberté artistique pour répondre aux demandes du public qui assureront le succès de l'œuvre en bon management commercial. Ça va ? Et qu'est-ce qui permet dans ce bras de fer hein, entre les intermédiaires et les artistes de donner un peu de bouffée d'oxygène aux artistes ? Ce sont les subventions publiques. Parce qu'évidemment, elles viennent atténuer les enjeux de rentabilité. Et donc, l'audace artistique peut être plus grande. Donc, on part du principe que dans une culture entièrement privatisée, il y a une autocensure qui est grande. Et donc, on essaie de ne pas dépasser, on essaie de produire des objets formatés qui vont plaire. Tandis que dans une structure, une culture entièrement subsidiée par le public, il y aura une plus grande liberté artistique, puisqu'il n'y a pas de risque financier qui est pris, c'est la subvention publique qui va financer la chose. Et dans les économies mixtes, hein, la liberté un peu contrainte d'un côté, un peu favorisée de l'autre. En tout cas, la subvention publique est souvent associée à une forme de liberté. Ce que moi je ne crois pas tout à fait, mais on en parlera plus tard, même quand vous avez des subventions publiques, l'État a désormais, hein, bonne gestion de management de l'État, un regard assez parfois pesant sur ce que vous faites parce que vous utilisez de l'argent public. Ce qui est en somme logique, hein, c'est quand même notre argent. Hein, vous connaissez le principe, vous payez vos impôts, cet impôt sert à redistribuer, notamment vers le secteur culturel, les sommes colossales qui sont amassées. Et dans le fond, on peut attendre, nous, que l'argent que nous donnons à l'État soit correctement géré, même dans la culture. Ce sont des débats intéressants, hein, on y reviendra. Voilà, donc, bras de fer, hein, en fonction qu'on est du côté de l'offre ou du côté de la demande, et ce bras de fer est atténué par le subside public en Europe. Oui. Est-ce que cette différence de conception n'est pas liée aux politiques culturelles, justement, vous avez parlé de la France dans les années 60 avec André Malraux, et plus largement en fait avec l'idéologie de la République française, parce que lui il faisait la comparaison entre les enfants qui ont eu accès à l'alphabet via la République, et il disait qu'il faudrait la même chose avec les arts, les lettres et les dispositions. C'est vraiment l'état d'esprit qui a préludé à ce genre de subside adressé à la culture, c'est évident. C'est pour favoriser ce qu'on appelle la démocratisation culturelle. Et après, et en fait, se double à ça, si si on fait un cours plutôt alors, politique culturelle, mais ça c'est plutôt l'ataliniste hein, qui vous fait ce cours, donc je ne vais pas attaquer, je vous réponds juste à vous. Ça se double aussi de ce qu'on a appelé la culture de la démocratie. C'est-à-dire que dès le moment où on fait une démocratisation culturelle et que tout le monde ou le plus grand nombre a accès à la culture, on estime que c'est l'éducation qui va ouvrir à la tolérance. Ça, je vous en ai parlé un petit peu dans la revue de presse qu'on avait commencé à faire. Donc ça ouvre à une forme de tolérance et donc ça ouvre à une culture de la démocratie parce que plus on est tolérant, plus on va défendre la démocratie. Et donc tout le monde est content. Le politique éduque culturellement la population et en retour, la population maintient la démocratie en place et donc le politicien à sa place. Voilà, donc il y a de ça aussi. Donc vous avez raison, ça se remet dans ce cadre-là. Il y a, si ça vous intéresse, il y a un ou deux ouvrages qui parlent vraiment de ça, qui parlent de cette invention des maisons de la culture. À l'époque de cathédrale de la culture, il parlait de cathédrale du XXe siècle aussi. Oui, sûrement. Mais donc il y a des ouvrages par un sociologue qui s'appelle Jean-Louis Genard, qui a écrit là-dessus des bouquins intéressants qui montrent, on va dire, les intentions également, pas cachées, mais disons sous-jacentes, du projet politique de financement de la culture. Il y a là un projet politique tout autant qu'un projet d'éducation. Voilà. C'est important à savoir. Mais vous avez raison, ce phénomène apparaît, comme je l'ai dit, je pense, dans ce contexte-là. Absolument. Donc, si on avance dans leurs conclusions, on peut avancer, nous-mêmes ici et maintenant, que les activités culturelles peuvent être contrôlées selon les critères utilisés dans les activités industrielles et commerciales marchandes, comme par exemple la rentabilité des capitaux investis, suivant le secteur concerné. Ces critères sont en effet utilisés par de nombreuses organisations culturelles, comme l'édition ou l'audiovisuel, qui appartiennent peut-être plus aux industries culturelles qu'aux entreprises culturelles, parce qu'elles travaillent dans la massification de la culture. Par contre, dans les domaines dont les coûts de production ne sont couverts que très partiellement par les recettes, provenant directement de leur diffusion, par exemple les arts vivants, le théâtre, la musique, la danse, c'est impossible dans la mesure où les ressources investies dans ces activités ne sont pas couvertes par les résultats d'exploitation dégagés. Ces activités peuvent au surplus être prises en charge par des structures à financement public où la notion de coût du capital n'a pas de sens. Donc voilà, dans certains secteurs, comme ceux de l'industrie culturelle, le management doit s'appliquer, même en Europe. On ne peut plus du tout lancer un bouquin, lancer un film ou un spectacle musical à grande audience sans avoir pris ces précautions de management. Par contre, quand on est dans des arts plus discrets, plus confidentiels, eh bien là, on peut éventuellement échapper à cette gestion, quoique. Hein, en tout cas, elle est moins nécessaire dans la mesure où il y a des financements publics derrière et dans ce cas-là, le coût du capital a moins de sens puisque l'argent public n'est normalement pas investi pour prospérer mais simplement pour travailler à la démocratisation de la culture. Alors, si l'on échappe apparemment aux critères habituels de gestion financière dans ce secteur, hein, distant des industries culturelles, il faut noter qu'en contrepartie des financements publics, ces institutions ont des comptes à rendre à la collectivité en termes de qualité, de quantité et de coût de leur production. Définir une programmation sur plusieurs années et conduire des projets parfois complexes exige alors une grande rigueur dans la formulation d'une stratégie, dans la gestion et la coordination des équipes, dans la planification des tâches et dans le suivi des délais. C'est ce qu'on appelle la gestion de projet et on verra comment on fait une gestion de projet dans les leçons qui suivent. Or, pour cela, nos auteurs avancent que les approches et les outils du management sont indispensables. Attirer et fidéliser une audience importante exige des politiques de communication et de prix, telles qu'on peut les trouver dans les manuels de marketing. Assurer un niveau de qualité de spectacle élevé suppose de se comparer avec les meilleurs théâtres au niveau mondial. D'attirer les meilleurs metteurs en scène, décorateurs, musiciens et chanteurs, et de mener régulièrement des enquêtes pour connaître les attentes du public. C'est du marketing. Les entreprises culturelles de l'art vivant ont des comptes à rendre à la collectivité qui les finance et au public. Pour cela, elles doivent faire appel aux méthodes et techniques du management. Fixer des objectifs, choisir une organisation et des moyens adaptés et contrôler les résultats obtenus. Ça, c'est purement un esprit managérial. Donc voilà, dans les industries culturelles, c'est acquis. Dans les arts moins sujet à la massification de la culture, ça percole, ça commence, Et même sans parler de questions de rentabilité, ça on peut exclure parce que c'est de l'argent public, on va parler quand même d'équilibre des budgets, et on va parler d'une bonne organisation, donc d'une bonne stratégie, d'une bonne gestion de projet, pour arriver à rencontrer les attentes de l'État lorsqu'ils mettent l'argent sur vous. Il faut que vous produisiez un spectacle de qualité. Il faut que le public soit au rendez-vous. Sinon, ça sert à rien, c'est de l'argent public. Ça ne revient pas dans les poches de celui qui a payé son impôt. Je dis toujours, c'est comme un processus alchimique. On paye notre impôt, et puis on a une offre culturelle en retour qui est accessible. Donc on a transformé notre argent en culture, c'est de la chimie. Mais si personne ne va suivre un spectacle, si personne ne lit le livre en question, ce n'était pas la peine de le subsidier, ça n'a servi à rien. Donc, quoi qu'il en soit, la conclusion finale de l'article, c'est que le management a donc une grande utilité. Et ce phénomène ira croissant. Dès le moment où vous découplez ça de la question purement économique, à l'américaine, on va dire, même dans le management, même dans la culture européenne, le management a de l'importance dans ce qu'on appelle la gestion de projet. Donc pas forcément les questions économiques, mais les questions d'organisation. Voilà, tout simplement. Donc, conclusion, le management a donc une grande utilité et ce phénomène ira croissant. Il s'agit de moderniser progressivement la gestion des institutions culturelles. Et d'ailleurs, l'existence des études de gestion culturelle que vous faites, qui sont apparues assez récemment dans les programmes des universités, en est un signe clair. Si maintenant vous êtes là avec un programme d'études qui vous a séduit, c'est parce qu'on propose de former des administrateurs de la culture qui soient de bons gestionnaires. Et donc on considère désormais sans tabou et de façon décomplexée la culture et le management doivent s'entendre. Les nouveaux managers devront en tous les cas trouver des points d'équilibre délicats entre la liberté de création d'un côté et les contraintes de la gestion de l'eau. De même qu'entre le pouvoir des entités subsidiantes et l'autonomie des responsables d'institutions. Entre la rigidité des statuts et la capacité d'adaptation des organisations. C'est donc la capacité des directions à définir des stratégies et à mener des politiques à moyen terme qui doit être favorisée pour que le management s'épanouisse dans les entreprises culturelles. Finalement, si le produit culturel est bien spécifique, on est absolument d'accord là-dessus, sa gestion en aval du processus original de création peut sans difficulté ouvrir la boîte à outils du management. Voilà. Alors, retapant sur le clou, il y a quelques ouvrages que je vais passer, vous lirez ça à votre aise, parce que je voudrais arriver à un dernier ouvrage, au moins à vous commenter dans les 10 minutes qui me restent. Vous allez trouver l'ouvrage de Colbert et Bilodeau sur le marketing des arts de la culture, qui explique, et c'est ça que j'avais retenu dans son introduction, que voilà, effectivement, management et culture, on a l'impression que ça ne fait pas bon ménage, mais en réalité, si. Et c'est pour des questions d'investissement, qui soient privées ou publiques, et c'est pour des questions de produits et de marché. Et que si on est orienté vers le produit, le détail est dans mon texte, hein, il y a évidemment une attitude différente que si on est orienté vers le marché. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, si on se met du côté de l'offre, hein, on est orientation produit, il y a une plus grande liberté, et en général, il y a un subside public qui vient avec. Si on est du côté de l'orientation marché, c'est-à-dire dès qu'on est intéressé à la demande, par exemple, qu'attend le public comme cinéma hollywoodien, et donc, là, évidemment, la création est beaucoup plus infiltrée par les questions économiques et cadenassée dans sa liberté pour correspondre aux attentes du marché. Et donc, on aura un marketing orienté vers le marché. D'accord ? On joue toujours dans les mêmes concepts qui sont précisés selon les angles d'approche, évidemment. Vous regardez ça après. Alors, un autre ouvrage intéressant dans ce débat, c'est celui-là. Donc, le management des entreprises artistiques et culturelles, ben voilà. Le tabou est tombé en 2004, il y a un auteur qui a pu sortir un bouquin là-dessus sans qu'il soit lâché. Donc, désormais, et c'est un ouvrage de référence hein, que je conseille à beaucoup de managers d'avoir toujours sous le coude, et dont je m'inspirerai assez bien dans la suite des chapitres de ce cours. Donc, le management des entreprises artistiques et culturelles, voilà, c'est une espèce de guide vraiment de travail qui prend étape par étape les questions de management appliquées à la culture. Ça existe, donc il n'y a aucun souci. Désormais, on peut y faire référence clairement et utiliser des outils disponibles dans la littérature pour exercer le métier de management au sein des entreprises culturelles. arrive alors à un point suivant de l'exposé que je voulais faire avec vous, c'est la critique de la figure de l'entrepreneur. Donc on a vu qu'au début, on voulait opposer le management et la culture. En réalité, tout ça est affaire de nuances, d'évolution historique, et que donc, il faut savoir dans quel cours on joue, mais a priori, on doit utiliser les outils du marketing et du management plus généralement. Mais maintenant, on peut s'intéresser à la figure de l'entrepreneur, parce que, évidemment, les premiers à résister au management de la culture, ce sont les artistes. Pourquoi ? Parce qu'ils défendent leur liberté. Et on a vu que cette liberté, elle était désormais relative, en fonction des situations. Vous vous souvenez de tous les exemples que je vous ai donnés, et de tous les concepts qu'on a théorisés grâce à ça. Donc, il y a une critique de la figure de l'entrepreneur, qui est celui qui, finalement, est l'ambassadeur de ces principes de gestion raisonnable de la chose culturelle et artistique, de ce qu'on appelle le management ou la gestion culturelle. Et donc, Norbert Hiller a pu sortir un bouquin, en tout cas le diriger, qui s'appelle « L'artiste et l'entrepreneur ». Donc, de nouveau, deux modèles qui se chamaillent et qui se disputent sur fond, justement, de liberté. Voilà. Vous verrez le résumé que j'ai fait de son travail et qui commence à mettre en évidence quelque chose que je vais développer un petit peu plus dans quelques minutes, c'est le fait que ces deux modèles de rapport à l'exercice d'une profession sont moins antinomiques qu'auparavant. Pourquoi ? Parce que, d'une part, l'artiste se préoccupe de plus en plus de la chose économique, c'est l'évolution de la société qui veut ça, et l'artiste est le reflet de la société, et il travaille dans un contexte qui, évidemment, l'imprègne, et par rapport auquel il prend position, mais à l'intérieur duquel il vit tout de même. Et d'autre part, l'entrepreneur est de plus tenté de s'intéresser au processus de créativité, et donc aux artistes. Et on arrive dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, un management créatif, des industries créatives, et on déborde alors du champ de l'art, on va faire même la question de la publicité, etc., qui sont désormais rattachés au domaine de la créativité, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Donc, de plus en plus, les entrepreneurs deviennent des créateurs, et les artistes deviennent des entrepreneurs. Voilà. Donc, ces deux figures en opposition, c'est un peu le propos du livre, se nuancent considérablement, et ils arrivent donc aux mêmes conclusions. On peut difficilement aujourd'hui maintenir des oppositions qui s'expliquent historiquement, mais qui sont dépassées aujourd'hui entre, d'une part, la figure de l'artiste et, d'autre part, la figure de l'entrepreneur. Entre le comptable, d'un côté, on va dire, et le génie de l'autre. Voilà. Alors, un autre auteur a travaillé cela aussi. Donc, je vous invite, si ces questions vous intéressent, à lire ce petit livre de Pierre-Michel Manger, Portrait de l'artiste en travailleur, qui lui aussi a donc mis en évidence le fait que l'artiste devenait de plus en plus un modèle, en fait, pour nos systèmes économiques et notamment pour le rapport au travail. Il a appelé ça « métamorphose du capitalisme ». Et la thèse du livre, qui est assez, choquante au départ, mais dans le fond, si on veut bien prêter attention, est assez intéressante, c'est que le modèle du rapport au travail que nous expose l'artiste est en réalité un modèle visionnaire du travailleur de demain dans un monde capitaliste. À savoir, par exemple, l'hyperflexibilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des grèves pour lutter contre ce genre de choses. C'est-à-dire que les attentes de l'entreprise aujourd'hui sont une hyperflexibilité. Donc, on ne veut plus signer des contrats à durée indéterminée temps plein. Donc, vous avez un contrat à durée déterminée, mi-temps, ou alors on vous demande d'être un jour à temps plein, un jour à mi-temps. Cette flexibilité des travailleurs en fonction de la demande de l'entreprise. Évidemment, d'un point de vue management, c'est intéressant, parce qu'on ne paye pas les gens à ne rien faire. On n'embauche que si on a besoin, etc. Et donc, on cultive pas un capital d'employé, on utilise les employés comme une ressource immédiate pour un besoin de production géré en flux tendu. Donc, il y a une hyper-flexibilité qui est demandée aux travailleurs, qui font des grèves contre ça. Donc, il y a une résistance, c'est grave. Et bien, pourtant, l'artiste, depuis toujours, il est dans une hyper-flexibilité. Les artistes n'ont pas d'horaire. Ils ne prennent pas de vacances, ils sont toujours en train de penser à leur créativité. Donc ils ont une liberté de créativité géniale, mais évidemment, le boulet qui traîne à cause de ça, c'est qu'ils n'arrêtent jamais d'être en travail de création. Arrêter son cerveau, c'est difficile. Donc un artiste, c'est quelqu'un qui bosse, même quand il est en train de fumer une cigarette, il y pense, quoi. Donc, quelque part, il est dans une hyperflexibilité. Il est dans un régime de la passion, il ne compte pas ses heures. L'artiste ne va jamais diviser le produit de son travail par le nombre d'heures qu'il a presté. Il ne va pas dire quelle est ma valeur horaire, jamais. Un ouvrier, un employé, si il peut très simplement calculer ce qu'il gagne par heure, ne fût-ce que pour calculer ses heures supplémentaires. Vous avez déjà vu un artiste calculer ses heures supplémentaires? Non, hein. Bon. Donc, en réalité, la thèse, très intéressante, il montre que le modèle du travail artiste renvoie, en fait, au travailleur capitaliste de demain. Et donc, cette séparation entre un artiste non touché par les contingences, on va dire, du capitalisme tardif, eh bien, est faux. Au contraire, il y est, et depuis toujours. Voilà. Un dernier ouvrage sur lequel je vais m'appuyer aujourd'hui avec vous, c'est un livre vraiment passionnant de F. Capello, qui s'appelle « Artiste versus manager ». Donc, de nouveau, ce couple infernal, hein, entre d'une part le créateur et d'autre part le gestionnaire, entre l'artiste et le manager, et sous-titre « Le management culturel face à la critique artiste ». Voilà. Alors, la théorie de ce livre est très intéressante. C'est qu'elle elle s'intéresse donc à la manière dont aujourd'hui ces deux personnes se rencontrent au sein de l'entreprise. Et on pourrait dire ces groupes de personnes. Par exemple, l'organisation d'un théâtre, vous avez une troupe de comédiens, donc vous avez plusieurs artistes, et vous avez évidemment une troupe de logisticiens, d'administration, de gestion, etc. Donc là, c'est des groupes qui se rencontrent et qui se confondent. L'artiste et son galeriste, là, c'est deux personnes. Mais en général, donc, de plus en plus, ce sont des groupes qui s'affrontent et qui sont groupés dans la catégorie artiste ou dans la catégorie manager. Elle montre en fait d'où ça vient. Et elle montre que c'est lié à une critique artiste qui est nécessaire. Bon, je vais résumer, je vais réfléchir à un texte plus long avec des citations d'ouvrages, mais vous verrez ça après. Donc la thèse sous-jacente et le conducteur, c'est de dire que, en réalité, tout ça provient de la révolution industrielle et de l'essor de la bourgeoisie. Parce que les grandes transformations économiques qui sont à l'origine du capitalisme actuel se sont opérées au 19e siècle. Et à ce moment-là, il y a une espèce de nouvelle société qui a émergé, la société industrielle, et que, à ce moment-là, curieusement, il y a un âge d'or de l'artiste qui est apparu en même temps. C'est vrai qu'au 19e, l'art est sacré. Vous voyez des figures comme celle de Baudelaire, quand il écrit sur l'art, il a un discours très enflammé, presque spirituel, religieux, et l'humain est considéré comme un être à part. Et donc, en réalité, au 19e siècle, au moment où émerge cette société industrielle, où l'économie va prendre le pas sur la religion, eh bien, le dépositaire de la spiritualité et du sacré, ça devient l'artiste. Et d'autre part, le dépositaire du nouveau modèle de société, c'est le bourgeois. C'est celui qui fait prospérer ses usines. C'est pas la noblesse, ça c'est fini, ils sont désargentés, c'est terminé, ils s'écroulent avec l'ancien régime. Et il ne reste plus que le bourgeois prospère, qui lui compte ses sous. Et d'autre part, l'artiste qui devient le dépositaire du sacré et du spirituel. Et évidemment, ces deux se combattent, et à la fois dialoguent. Pourquoi ? Parce que les bourgeois ont de l'argent, ils achètent des œuvres d'art. Donc les artistes, à la fois, dénoncent ce modèle de société, critiquent le bourgeois, se moquent de lui, et en même temps, c'est leur client. Donc il y a un rôle comme ça, interdépendant, qui se met en place dans ce binôme historique, entre l'artiste et le bourgeois. Il n'empêche que de tradition, depuis le 19e, un des rôles de l'artiste est de faire la critique de la société, et la critique de la société bourgeoise, parce qu'ils sont les dépositaires des valeurs importantes, sacrées, hein, du modèle de société précédent. Donc, ces luttes incessantes sont toujours le paradigme qu'on utilise pour analyser encore aujourd'hui le conflit. Mais ce qu'elle démontre dans le livre, c'est qu'il y a une telle évolution et de la pratique artistique et de la pratique managériale, vous y avez fait quelques allusions, que ces oppositions n'ont plus beaucoup de valeur au 20e et au 21e siècle. Désormais, l'artiste est obligé de plus en plus d'être un entrepreneur, donc il s'intéresse à ces questions de management, ne fût-ce que dans sa propre organisation. Il s'intéresse aux questions économiques, il en fait œuvre, hein, il y a même des œuvres qui s'appuient sur des modèles économiques. Ça, je n'ai pas du tout le temps de développer avec vous, mais il y aurait moyen de faire un cours d'histoire de l'art sur l'artiste qui utilise vraiment le modèle entrepreneurial pour générer des œuvres. Pour en faire un petit coup. Donc l'artiste se rapproche de la société capitaliste de façon très intense, et les managers et les représentants, on va dire, de l'ancienne bourgeoisie industrielle se rapprochent des processus de créativité qu'ils observent dans la pratique artistique. Et donc il y a de plus en plus un marketing créatif aujourd'hui. On fait des réunions dans les entreprises qui n'ont rien à voir avec l'art, où on demande aux gens d'être créatifs. Et on estime qu'il y a une espèce de management de la créativité qui est important pour que le cadre dynamique dans l'entreprise se sente respecté, etc. Vous voyez les modèles Google, par exemple. Les modèles Facebook, ce sont des produits industriels, hein, il n'y a rien d'autre à dire, avec des massifications de la culture impressionnantes. Mais la gestion interne de ces sociétés fait appel à une créativité managériale. Tout le monde est un artiste dans ces sociétés. Voyez les réunions, comment elles se passent, si vous intéressez un peu au jeu. Voyez l'environnement de ces entreprises pour les employés. On est vraiment tout à fait éloigné de l'industrie pure et dure du 19e siècle. Donc, finalement, dans le champ économique, on est devenu créatif, et dans le champ artistique, on est devenu préoccupé de questions économiques. Donc, dans le fond, la querelle ancienne, qui est née au 19e siècle, aujourd'hui est démodée. Donc, il faut réinventer la critique artiste, parce qu'elle est importante. Le rôle critique de l'artiste face à la société est important. Donc, elle explique comment, selon elle, cette critique artiste va se délocaliser, investir d'autres champs, mais ça, c'est une autre histoire. Mais elle montre qu'en tout cas, le modèle d'opposition entre les deux est dépassé et s'explique par l'histoire des deux disciplines. La discipline industrielle, pour le dire très vite, et la discipline artistique de l'autre. Elle analyse comme ça des cas très intéressants à travers la production audiovisuelle, à travers la littérature, à travers la musique. C'est une sociologue, elle mène des enquêtes de terrain et puis elle tire des conclusions sur l'évolution de la critique artiste, c'est vraiment passionnant. Pour terminer, je vous conseille, si vous voulez replacer ces tensions dans un ouvrage plus vaste encore, elle a collaboré avec Boltanski sur le nouvel esprit du capitalisme, à vraiment faire un portrait de la nouvelle manière dont ces sociétés industrielles fonctionnent désormais. Mais là où je voulais vous emmener, c'est à ceci, donc la culture comme vocation. C'est un livre qui fait le portrait peut-être de vous-même, c'est-à-dire des gens qui décident de s'inscrire dans la culture et qui participent le plus souvent du régime de la vocation dont j'ai parlé tout à l'heure, au même titre que les artistes. C'est cette dimension artiste du métier de la culture et des intermédiaires de la culture quand ils sont souvent dominés par rapport aux grands méchants dominants des industries culturelles. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous intéresser à cet ouvrage, en tout cas au résumé que je vous en ai donné, parce qu'on forme un peu le portrait des gens qui décident de travailler la culture aujourd'hui. Et enfin, un dernier petit ouvrage sur les critiques de la gestion, alors de façon plus générale, c'est-à-dire qu'on peut critiquer la gestion appliquée à la chose culturelle, et c'est important de le faire, pour savoir où on se situe dans ce champ particulier, mais on peut aussi faire une critique de la gestion des entreprises qui ne sont même pas culturelles. Et ça, ça a été fait, en tout cas, les auteurs qui sont là résument un peu les théories qui existent. Il y a une critique de la gestion tout court qui est menée. Donc la critique de la gestion culturelle s'inscrit dans une critique plus vaste encore de la question de la gestion. Où là, on remet en cause carrément un modèle de société. Est-ce qu'il n'y a pas de modèle alternatif à la gestion que nous utilisons pour le moment pour gérer notre environnement? Mais c'est une autre histoire. Voilà, ceci clôture cette triple introduction. J'espère que vous avez goûté et que ça a permis de vous situer dans cette...